Ah. Imequan, CH Money, yeah. Ah. Smoke 2013. Le regret ne veut qu'après, il faut toujours y penser. Et tout ça, tu me le disais, je préfère me tailler. Le ghetto m'a hébergé et la mise en main change. Je pensais prendre le bon chemin, ma vanille wahab. Pardonne-moi, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi, pardonne-moi. Maman, à mes yeux t'es précieuse, ma vie ne vaut plus rien. Maman, ni Samihi, reprends-moi dans tes bras. Retrouvons notre attente qu'on avait auparavant. Je vais avoir l'honneur de présenter mes enfants. Pardonne-moi, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi, pardonne-moi. Maman. Et parce que t'es la seule dans mon cœur, t'es ma fleur, t'es la plus belle. Ah, oui, parce que t'es la seule dans mon cœur, t'es ma fleur, t'es mon soleil. Wawe de Wahanda, Aliyo de Wontangu, Mama Wawe de la langue, Mama Kweli si ou Benza maman. Si ou Benza maman, oui je t'aime. De la glace dans mes veines, du sang dans mes yeux, la haine dans mon cœur, l'amour dans mon esprit. Sans toi ma vie a rien. Maman, je suis tellement fier, tu m'as montré la voie, ira au paradis. Hein, j'ai vu tout ce que t'as fait juste pour moi, et j'oublierai jamais. Maman, t'es trop spéciale, j'y voyais les bons moments qu'on a passés ensemble. Maman, maman, j'oublierai jamais. Et parce que t'es la seule dans mon cœur, t'es ma fleur, t'es la plus belle. Hein, oui, parce que t'es la seule dans mon cœur, t'es ma fleur, t'es mon soleil. Wawe de Wahanda, Aliyo de Wontangu, Mama Wawe de la langue, Mama Kweli si ou Benza maman. Si ou Benza maman, oui je t'aime. Maman, regarde-moi, c'est moi ton petit ange. Des jours et des nuits sont passés mais moi je suis le même. Depuis ma naissance, sans toi ma vie n'a pas de sens. Je suivrai toujours ma trace, même si ce n'est que de la souffrance. Maman je t'aime, tu seras toujours dans mon cœur. L'amour que je sens pour toi est si forcé comme du fer. Je suis parti comme un lâche, maman mais quoi faire. T'es ma fleur, t'es ma lumière, mon rayon de soleil. Déjà dit c'est ta passé et moi je t'ai comme un gamin. Même si des fois je te blessais, mais maman je t'oublierai jamais. Des fois j'ai déconné, des fois je t'ai pleuré. Maman je te demande pardon, maman I'm sorry, sorry. Mama zona fanga de sa benza. Ufanga za ufanga pare so mefis inyombe. Ni huwe nfari hazi betis ina ushome. Be wami kana shonga sikana kokotea. Lofani nisi ona, lofani nisi juta. Ma mama yo ta benza. Ma mama pardon moi, pardon moi. Ma mama pardon moi, pardon moi. Ma mama ya que toi. Parce que t'es la seule dans mon cœur, t'es ma fleur, t'es la plus belle. Ah, oui parce que t'es la seule dans mon cœur, t'es ma fleur, t'es mon soleil. Wawe de Wahanda, Aliyo de Wontangu, Mama Wawe de la langue, Mama Kweli si ou Benza maman. Si ou Benza maman, oui je t'aime.